Peut-être donner la parole à Laurence Viavarini. Mais, moi, ça va vraiment dans le sens et dans le complément de ce qui vient d'être bon, dit. Donc alors, je sais pas si, parce qu'on improvise un peu. Oui, je vais. Du coup, je pense que je vais être assez courte. Je ne vais que compléter du point de vue de la praticienne, c'est-à-dire de l'enseignante dans le secondaire, ce qui vient d'être dit et aller dans le sens de ma collègue, peut-être en complétant un petit peu. D'abord, je voudrais. Vous savez, les enseignants commencent souvent par des anecdotes. Ça ne s'apprend pas forcément à l'université, mais je voudrais vous expliquer que, enfin, vous raconter pourquoi je suis arrivée en retard. Je sors d'un autre séminaire. Dans lequel nous avons vraiment clashé, si vous pouviez nous épargner ça, ce serait bien, sur la question de l'école. Parce que précisément, ça devient quand même profondément agaçant, je ne dis pas ça pour ce qui vient d'être dit, hein, mais pour la société en général, d'entendre des gens parler de l'école sans rien y connaître. Je crois que jamais ça ne vous viendrait à l'idée d'entrer dans une boulangerie pour recommander une recette de baguette de pain à votre boulanger. Eh bien, pourtant, je peux vous dire que lorsqu'on a la double casquette à la fois de chercheur et de professeur et qu'on entend tout ce qui peut être dit sur l'école, sur ce qui s'y fait, sur ce qui ne s'y fait pas, sur ce qu'on enseigne, sur ce qu'on n'enseigne pas, sans rien savoir, en confondant ce qui est programme scolaire, ce qui est manuel scolaire, pratique de classe, enfin voilà. Tout le monde a son idée sur l'école, tout le monde a l'impression que parce qu'il est passé par l'école, il peut parler de l'école, et c'est absolument insupportable, et c'est une question fondamentalement politique. Pourquoi c'est une question fondamentalement politique? Parce que tout à l'heure Thierry parlait, je suis arrivée à ce moment-là, d'autocritique. Et je crois que, en effet, une des raisons pour lesquelles le corps enseignant aujourd'hui aussi est à ce point attaqué, à la fois institutionnellement par le ministère, mais aussi par la disqualification sociale qui l'entoure, il faut appeler un chat, je crois que nous n'avons pas su mettre des mots sur ce qui fait justement notre spécificité et sur ce qui fonde nos compétences professionnelles. Et là, je crois que c'est un combat politique assez urgent pour défendre le fait que nous ne sommes pas interchangeables, que nous tenons une compétence professionnelle sur laquelle je vais revenir, que c'est une compétence professionnelle qui nous a été donnée par une formation qui certes peut être critiquée et sur laquelle il faut incontestablement revenir, mais qui en tout cas fait que nous ne pouvons pas être remplacés par n'importe qui et que tout le monde ne peut pas avoir son mot à dire, je veux dire du point de vue des compétences, sur ce qui se fait dans une classe. On peut parler d'efficacité ou non, et encore, je crois que là aussi il faut relativiser. Il n'y a pour le moment aucun véritable travail d'évaluation de ce qu'on peut ressortir de l'efficacité d'une pratique de classe. Et pour cause, nous sommes dans une profession pour laquelle, et il n'y en a pas beaucoup des comme ça, l'efficacité non seulement n'est pas quantifiable, mais en plus elle est différée. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un corps de métier, et croyez-moi c'est très frustrant, qui ne verra jamais l'efficacité réelle de ce qu'on fait. Et ça, c'est fondamental à rappeler. Quelqu'un qui dit, et je suis aussi formatrice, donc je pense que je ne serai pas forcément contredite par Thierry, quelqu'un qui dit « ce cours-là, il a vachement bien réussi ». Ça ne veut strictement rien dire, c'est juste un professeur qui s'est fait plaisir. Et c'est très bien d'ailleurs, hein, parce que le plaisir, ça fait partie de la profession, on pourrait y revenir, c'est même très très important. Mais du point de vue de l'efficacité, avec quels outils on évalue? Qu'est-ce qui valide l'efficacité d'un cours? Qu'est-ce qu'on a voulu faire passer? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer ce qu'on a fait passer? Est-ce qu'une interrogation écrite qui a lieu une semaine après un cours, qu'est-ce qu'elle valide? Le déclic chez un enfant, l'intelligibilité d'un événement, d'un moment historique ou même d'un raisonnement, l'intelligibilité, elle n'est pas immédiate, on ne sait pas quand elle aura lieu. Voilà. Et ça, c'est le caractère extrêmement frustrant du métier et c'est ce qui fait que c'est absolument impossible de dire « c'est un mauvais cours, ça tombe ». Votre cours, il aura été très efficace pour quelqu'un. À un moment donné, le déclic se fera pour un des élèves. Jamais pour 30 simultanément, ça n'existe pas. C'est un métier qui est extrêmement frustrant. D'ailleurs, ça, je crois que c'est valable aussi à l'université. Sauf que personne ne se permet de dire à quel point ce qui se fait à l'université est nul. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, je voudrais... je fais un plaidoyer pour l'époque. Si, c'est vrai, oui. Je fais un plaidoyer parce que oui, je suis très énervée. Et je voudrais essayer avec vous de vous expliquer pourquoi ce qui se joue dans cette réforme, enfin de contribuer avec mes collègues à vous expliquer pourquoi ce qui se joue dans cette réforme est fondamentalement politique. Une autre anecdote, mais je ne vais pas être longue, rassurez-vous. Éducation civique, c'est une formidable matière, ça, l'éducation civique. On pourrait parler de l'éducation civique, c'est la non-matière. Hein. Elle est enseignée par des professeurs d'histoire, de géographie, qui ont une formation d'historien, enfin, une formation en histoire ou en géographie. Et l'éducation civique, par définition, n'est pas une matière, puisque c'est une matière dans laquelle vous trouvez du droit, de la science éco, de la socio, de la morale, de la religion, un petit peu camouflée derrière des grandes valeurs de morale civique, enfin bon. Donc c'est une matière qu'on enseigne sans savoir du tout ce qu'on enseigne. C'est donc en général une catastrophe, et je vous donne un exemple. Une stagiaire me dit, il y a un truc que je ne comprends pas, Laurence, j'ai fait un super cours, donc ça déjà ça commence mal, désolée pour ceux qui étaient là hier, je crois que je l'ai raconté hier, je ne sais plus ce que je raconte, parce que je retrouve des gens. J'ai fait un super cours, Laurence, sur les discriminations en cinquième, parce qu'il y a un thème super en éducation civique, c'est les discriminations. Alors il faut montrer comment c'est pas bien. Hein. Donc j'ai fait un super cours sur la discrimination, c'était sur le racisme. J'ai une classe difficile, hein, classe dans les quartiers populaires, donc vous entendez tout et n'importe quoi. C'est une classe où il y a des Arabes, ah bon. C'est une classe où il y a des Noirs, ah bon. Hein, c'est une classe où il y a des arabo-musulmans, c'est une classe où il y a des nord-africains. Je ne sais pas s'il y a des élèves, mais en tout cas, il y a tous ceux qu'on ne sait pas nommer, hein, qui sont français depuis 3-4 générations, mais enfin, auxquels on contribue à allouer une couleur, une appartenance religieuse, une appartenance culturelle, etc. Et donc, le cours sur le racisme, il était super, Laurence. Ils ont tous participé, ils ont tous levé la main. Pour la première fois, j'ai eu des élèves qui levaient la main, qui attendaient que je leur donne la parole. Ils se sont répondu. Ça, c'est l'effet thérapeutique de l'éducation civique. Par contre, quand je suis sortie, ben, immédiatement, il y en a un qui a dit à sa copine « grosse nègre ».« Gros nègre ». Ben mince alors. C'est bizarre qu'il n'y ait pas cette efficacité immédiate comme ça. Qu'est-ce qu'on aimerait y croire ? Qu'est-ce qu'on aimerait y croire ? Et vous voyez, tout ça, ce sont des expériences qui parlent quand même. Tout ça, ce sont des expériences concrètes. Je n'invente rien, hein, mais qui prouvent que, à partir de grands blabla sur voilà ce qu'il faut enseigner et voilà comment il faut fabriquer de l'adhésion, ben effectivement, on produit rien chez des élèves. Et tant qu'on se sera pas interrogé sur la nature des savoirs que l'on doit enseigner, et qu'on ne saura pas les articuler avec des pratiques de classe, je dis un grand mot, ça s'appelle de la pédagogie, tant qu'on ne saura pas, je crois que c'est, t'as dit, hein, c'est ce que tu as dit un petit peu, hein, articuler la nature des savoirs que l'on va enseigner et les pratiques de classe, mais on ne pourra pas penser l'école et on ne pourra pas la penser comme ce qu'elle est et comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une question politique. Alors, je vais essayer de vous détailler ça de façon peut-être un petit peu théorique, je m'en excuse, je vais quitter le domaine des anecdotes, mais en opérant en deux temps. D'abord, en m'interrogeant avec vous sur ce que c'est qu'un savoir scolaire. On a parlé des savoirs universitaires, on a parlé des savoirs scientifiques. Thierry disait tout à l'heure, à juste titre, que les sciences de l'éducation sont là aussi galvaudées, elles en sont en partie responsables, hein, montrées du doigt, disqualifiées. Mais je crois qu'il faut revenir effectivement à un certain nombre de réflexions à cet endroit-là, qui ont déjà été dites. Hein, je suis pas en train de sortir des choses du chapeau qui sont complètement révolutionnaires. Hein, je vais juste les synthétiser. Et puis, dans un deuxième temps, ben, je vais m'interroger en tant que praticienne et avec des collègues qui sont en amont sur, justement, quel peut être l'intérêt pour un enseignant de maîtriser des savoirs scientifiques. Voilà. Et pourquoi c'est fondamental pour un enseignant de maîtriser des savoirs scientifiques, même si, pour vous donner un chiffre, lorsque un certifié obtient le CAPES, et c'est valable pour un agrégé, il maîtrise, et ça a été quantifié, à peu près 5% de ce qu'il va enseigner. Donc, je voudrais revenir un petit peu là-dessus et vous montrer pourquoi je pense que l'enjeu est fondamentalement politique, parce que ce qui se joue, c'est les capacités de résistance des enseignants. La maîtrise des savoirs scientifiques, je vous livre la clé immédiate de ma réflexion, la maîtrise des savoirs scientifiques, c'est la clé de la résistance possible des enseignants dans les classes. Alors, pourquoi ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un savoir scolaire ? Si je devais utiliser une métaphore, une image, je dirais qu'un savoir scolaire, c'est un matériau instable. Nous travaillons avec un matériau instable. Pourquoi ? Dans le cas de l'histoire, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est un savoir qui est pris dans un processus de montage. Un programme scolaire, c'est un montage. C'est une mise en causalité d'événements qui est souvent artificielle, qui est décrété par une commission d'experts, c'est un montage. C'est un montage, pourquoi ? Parce que c'est un projet mémoriel, un programme scolaire. C'est un projet mémoriel, c'est à un moment donné l'image que l'État souhaite donner du passé à un instant T. On peut appeler ça un projet mémoriel. Ça ne le disqualifie pas, il faut juste savoir ce que c'est. De ce point de vue-là, ça veut dire qu'un programme scolaire, c'est le lieu de l'instrumentalisation des savoirs scientifiques. Et ça, je crois que ce n'est pas simplement valable que pour l'histoire. Mais pour l'histoire, c'est très clair. Dans une association à laquelle j'appartiens, on dirait que c'est un lieu d'usage public de l'histoire, tant que l'école reste publique. Donc, le savoir scientifique, il est instrumentalisé au fin d'un montage pour donner ce qu'on appelle un curriculum en sciences de l'éducation. Bon. Il est par ailleurs, dans cet agencement, dans ce montage, dans cette chaîne de causalité, pourrait-on dire, pour être rapide, évidemment je schématise, il est chargé d'une finalité que vous rappeliez tout à l'heure, qui est la finalité civique, contre laquelle il ne s'agit pas de s'insurger. Moi je suis bien d'accord avec vous, je pense que l'école a une mission civique à assumer. Il est chargé d'une finalité civique, pas que civique d'ailleurs, il est chargé d'une finalité identitaire pour le cas de l'histoire, ça c'est très clair, de fabriquer un sentiment d'appartenance à plusieurs échelles, hein. Ça peut être national, ça peut être régional, ça peut être européenne. Là, on est en pleine fabrication d'appartenance européenne avec les nouveaux programmes de seconde. Ça peut être mondial, enfin, ce serait bien que ce le soit. Et puis, il est chargé aussi, dans le cas de l'histoire, d'une finalité thérapeutique. Désolée si je me répète un petit peu, mais on considère que certaines questions scolaires sont là pour cautériser les maux de la société. Hein ? Il faut enseigner le fait religieux parce qu'il faut refabriquer du lien, il faut enseigner l'histoire coloniale parce qu'il faut que certains élèves de leur classe connaissent leur histoire, etc. Donc il y a un aspect thérapeutique du savoir. Bon. Par ailleurs, et vous le rappelez, vous avez effectivement raison, le savoir scolaire est présenté aux élèves comme une vérité. C'est-à-dire qu'il est l'aboutissement, n'est pas l'aboutissement de quelque chose, il est. Il est. En tout cas, c'est tel quel qu'il est présenté aux élèves, j'y reviendrai. Il est ce savoir scolaire, matériau instable, il est, c'est très important, manipulé par des enseignants. Et on ne fabrique pas tous le même savoir scolaire. Le savoir scolaire n'est pas celui qui figure dans les manuels. On ne fabrique pas tous le même savoir scolaire parce qu'on a tous des méthodes différentes et qu'on a tous aussi des objectifs différents. Donc ça, c'est une autre chose. Par ailleurs, le savoir scolaire, alors quand je dis ça, et c'est là-dessus qu'on a clashé en particulier, le savoir scolaire, il inclut dans son processus de formation, il inclut ce qu'on appelle les savoirs sociaux. Je disais à quelqu'un qui me répondait avec beaucoup de nuances que tous les élèves étaient analphabètes, je disais, de façon un petit peu provocante, nos élèves sont des hyper savants. Nous avons des élèves hyper savants. Je suis désolée, mais c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne forcément ce qu'ils savent, mais ils sont hyper savants. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société dans laquelle les canaux de diffusion des savoirs sont multiples. Et donc, que ce soit Julien Lepers, Internet, ou la télévision, ou la famille, ou tout un tas de choses, les savoirs qu'on appelle les savoirs sociaux circulent. Et nos élèves, en tout cas dans le cas de l'histoire-géographie, mais je ne pense pas que ce soit uniquement là, nos élèves arrivent avec des savoirs sur une question. Et nous sommes dans une telle société de mise en équivalence des savoirs que ce que le gouvernement appelle des incivilités, c'est en réalité des élèves qui vous disent « Au nom de quoi parlez-vous ? Au nom de quoi me dites-vous que votre savoir est meilleur que le mien ? Ou est meilleur que celui de mon père ?» Nous sommes dans une société comme celle-ci et ça doit nous pousser à réfléchir parce qu'effectivement, il faut à tout prix qu'on réussisse à circonscrire et à redéfinir ce qui fait la spécificité d'un savoir scolaire par rapport au savoir de certains élèves qui ne sont pas forcément à disqualifier. Ça, c'est un truc de plus, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Et par ailleurs, et c'est la dernière chose, un savoir scolaire, c'est un savoir qui n'est pas simplement centré sur des connaissances, mais qui est, et ça, on peut en discuter et c'est très problématique, qui est de plus en plus centré sur des compétences. Je suis très étonnée que ce petit livre que vous avez sorti ne s'appelle que « Socle commun des connaissances » parce que le nom entier de cet objet non identifié, c'est le socle commun des connaissances et des compétences. Et de plus en plus, nous sommes sommés par le gouvernement de travailler en termes de compétences et non pas en termes de connaissances. Et ça va jouer sur la définition des contours de ce qu'est un savoir scolaire. Un savoir scolaire progressivement se transforme en une sorte de magma de compétences, on pourra en reparler. Donc, un savoir scolaire, c'est quelque chose qui doit répondre à des normes, qui doit répondre à des contraintes, qui doit pouvoir s'insérer dans ce que l'école véhicule comme logique scolaire. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que tous les savoirs scientifiques ne peuvent pas pénétrer l'école. Souvent, on dit « Oh là là, les programmes scolaires, ils sont hostiles au renouveau de la recherche, ils sont hostiles à tout ce qui vient d'être trouvé. Ah ben oui, on veut pas intégrer dans les programmes les subaltern studies parce que forcément, ça pousserait les élèves à vouloir se rebeller. Mais non, les choses sont pas si simples que ça. Il se trouve qu'il y a des savoirs scientifiques qui ne peuvent pas pénétrer l'école tout simplement parce qu'ils ne sont pas transformables dans l'état actuel de l'école. Ils ne sont pas transformables en savoirs scolaires. Je pourrais étayer sur le cas des subalternes sous-10 parce que je le connais bien, c'est-à-dire sur la question de comment donner une voix aux sans-voix dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que les sans-voix n'ont pas voix à l'histoire dans l'histoire scolaire? Ils ne peuvent pas intégrer la trame narrative de l'histoire scolaire. Ils n'entrent pas dans le montage. Ils ne répondent pas aux normes. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez que le savoir scolaire, il a une spécificité. D'accord? Il a sa spécificité. Alors, du coup, j'en arrive à ma deuxième partie et je vais vite. S'il a sa spécificité, en quoi est-ce que ce serait important de maîtriser les savoirs scientifiques quand on est enseignant? Après tout, je crois que c'était aussi dans les tiroirs du ministère. Il a été question, je ne sais pas d'ailleurs si c'est complètement tombé aux oubliettes, il a été question de former les étudiants au CAPES en enseignant uniquement les programmes scolaires et de les interroger sur les programmes scolaires. Bon, alors... Eh ben oui, certains ont dit, bah oui, après tout, pourquoi pas? Parce qu'évidemment, si on maîtrise que 5% de ce qu'on doit enseigner, autant avoir une vision générale. Parce qu'après tout, quand un gamin qui a 6, 7, 8 ans, voire même 13, 14 ans, qu'on n'a rien à faire de l'histoire et patate et nanana, pourquoi est-ce qu'après tout, on devrait bien connaître scientifiquement une question? C'est vrai, ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait bien connaître une question? Alors, c'est là, effectivement, je crois que la question est fondamentalement politique. Et je rejoins ce que vous avez dit. Un ébéniste, il travaille pas du bois aggloméré. J'adore les images. Et le savoir scolaire, c'est du bois aggloméré, comme j'essayais de vous le montrer. Un ébéniste, il travaille à partir de la matière première. Un professeur, s'il veut construire un savoir scolaire, il doit le faire à partir d'une matière première qu'il maîtrise. Il doit pour cela comprendre, comme vous l'avez rappelé fort justement et mieux que moi, il doit comprendre ce qui se joue dans le curriculum qu'il est en train d'enseigner. Il doit lui-même pouvoir démonter la chaîne de montage. Il doit pouvoir enseigner consciemment qu'il y a une instrumentalisation. Même s'il est sous contrainte, même s'il est sous surveillance, il doit pouvoir trouver les filons pour dénouer, justement, les lieux de l'instrumentalisation. Il doit aussi savoir comment le savoir qu'il doit transmettre a été construit, comment il est le lieu, justement, d'une critique possible, comment il est le lieu du doute, le lieu du débat, de toutes ces choses qui ont disparu de l'école, le doute et le débat. Pourquoi l'école n'est pas un lieu politique, n'est plus un lieu politique? Parce qu'on ne sait pas y débattre et parce que les élèves ne savent pas douter. Et si un enseignant n'est pas formé à la recherche, à la praxis de la recherche, la praxis historienne que vous souleviez, eh bien, il est incapable ensuite de remonter le filon qui fait que le savoir qu'il doit enseigner, justement, c'est un savoir qui est orienté, c'est un savoir construit. Et donc, du coup, il sabote son potentiel critique. Et s'il sabote son potentiel critique, il est absolument impossible d'enseigner, justement, une vision critique des savoirs. Et si on n'enseigne pas une vision critique des savoirs, on fabrique pas une citoyenneté critique. On fabrique une citoyenneté d'adhésion. On fabrique des suiveurs. On fabrique pas des responsables politiques. Et ça, ça me semble fondamental, justement, dans ce qui se joue aujourd'hui. C'est que ce qui se joue, c'est le fait de fabriquer des élèves qui soient des citoyens critiques parce qu'ils savent ce qu'est le débat, parce qu'ils savent ce qu'est le doute, parce que parfois ils sortent de classe avec des questions et pas simplement avec des réponses. Et effectivement, si on ne fait que survoler des savoirs qu'on ne maîtrise pas, eh bien le risque, c'est de se faire uniquement des passeurs de prescriptions, des passeurs d'injonctions ministérielles, c'est de pouvoir lire la lettre de Guy Mequet et de pleurer avec ses élèves au lieu de pouvoir l'expliquer.